Mariam Traoré, étudiante et membre d'un réseau, le réseau des enfants et des jeunes africains pour le troisième, un réseau de lutte contre les violences basées sur le genre. Depuis à bas âge, j'ai toujours eu ce sentiment d'estime pour les gens. En tant que femme et étant une personne très sensible, je ne peux voir un être comme moi souffrir parce qu'il ou elle a été privé de ses droits sans réagir. Nous avons tous des droits. Et ces droits doivent être obligatoirement respectés. C'est pourquoi moi et mon réseau, nous nous engageons sur cette lancée depuis plus de 2 ans. Ma motivation à défendre les droits vient du fait qu'une jeune fille de mon quartier, de même âge que moi, qui m'a témoigné qu'elle est victime d'harcèlement par son patron. Ce dernier l'a menacée tous les jours de la licencier si elle n'acceptait pas. Mère célibataire, cette jeune fille se voit dans l'obligation d'accepter les avances de son patron. J'étais effondrée par ce que je venais d'entendre. Une telle méchanceté entre les hommes. Les cœurs sont en fer. Il y a plus de pitié, je me suis dit. Cette histoire m'a encore plus motivée à défendre les droits de l'homme avec le réseau, comme le nom l'indique, Réseau des enfants et des jeunes africains pour le droit humain. Un réseau qui est implanté dans 5 pays, à savoir le Mali, la Burundi, le Sud-Soudan, le Congo et Somalie. Nous nous engageons tous ensemble à défendre les droits humains. Merci.